Augmente le volume 2, ta chaîne IFI. Artiste indescriptible, volume 2. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle opère dans l'ombre, et franchement, elle semble balée. Elle son boulot, c'est les lettres et pas les nombres. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle est toujours OP, rationnelle, pas souvent happy. Elle gratte un appel à l'aide, elle fait la guerre pour la paix. Aujourd'hui les gens se braquent, et l'État nous la met dans le huc. Je prends le bic parce que je fais pas partie des gens qui s'en battent. Je compte me battre, je rappe pas parce que je m'embête. Une instru, ça coûte si bête, je pose ma vérité sur beat. Je débite, je rage qui me débecte, qui me dégoûte, j'y mets du flow. Et écoute, le message est plus d'impact qu'une feuille, un pic dans cette guerre. Voilà de quoi je suis armé, je pose mes larmes, ça veut pas dire que j'en sors un pec. Mais ça me fait du bien, franchement, de mettre au courant. Si la vie me fait péter les plombs, il doit avoir un blême dans les branchements. J'en ai des buts en tête et je veux pas finir par une défaite. Si la vie est un match de foot, et ben je défends et j'attaque. Sur feuille à 4, je gratte contre le parlement et ses membres. T'as vu le nombre de personnes qui ont foutu à 4 pattes. Mon rap n'est pas sympathique, ma plume toujours des terrains, toujours sur le terrain. Ne prends pas d'année sympathique. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle opère dans l'ombre, et franchement, elle s'en balait. Elle son boulot, c'est les lettres et pas les nombres. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle est toujours OP, rationnelle, pas souvent happy. Elle gratte un appel à l'aide, elle fait la guerre pour la paix. La plume c'est mon élément, quand je l'ai dans les mains. Elle élimine ma haine, l'emmène et l'emmêle avec les mots. Elle m'amène à écrire, décrire ce qui m'entoure, ce qui me fait chier, ce qui m'écœure. À une réflexion sur moi-même, elle ne parle pas de bidon, la pluie et du beau temps. Mais putain de course, putain de plastique et de béton. Elle a la rage contre les inspects, elle milite. Elle travaille comme une malade pour ne pas se faire écraser comme un insecte. Elle parle d'un ton sec et s'en bat les couilles si t'adhères. Elle a des choses à dire, des feuilles remplies, elle en a des sacs. Elle crache ça dans tes enceintes. Ma plume n'est pas bête, n'a pas de bac scientifique. Mais le monde, elle le dissèque, elle fout le souk. Mais remet mes idées en place, elle aime gratter des tonnes de pages. On a toujours pincé pour la zic, elle est toujours hal et n'a pas pour but d'être rentable. Elle travaille mon mental et pose tout ça sur instrumental. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle opère dans l'ombre, et franchement, elle s'en balait. Elle son boulot, c'est les lettres et pas les nombres. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle est toujours OP, rationnelle, pas souvent happy. Elle gratte un appel à l'aide, elle fait la guerre pour la paix. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle opère dans l'ombre, et franchement, elle s'en balait. Elle son boulot, c'est les lettres et pas les nombres. Ma plume toujours sur le terrain, n'attend pas de récompense. Elle dit ce qu'elle pense, et ça jusqu'à ce qu'on l'enterre. Elle est toujours OP, rationnelle, pas souvent happy. Elle gratte un appel à l'aide, elle fait la guerre pour la paix. Ma plume.